les montagnes se couchent sur la plaine. L'ombre t'accompagne sur ton chemin de peine. Marche sans étoile. Tu as perdu ta route. Et dans le jour qui meurt, et dans le vent qui pleut, marche contre ton cœur. Celle que tu aimes d'un autre. Marche sur ta peine. Ne te demande pas pourquoi. Ne cherche pas. Va devant toi jusqu'au soleil qui reviendra. Jour après jour, le cœur moins lourd. Elle était ton étoile, la douceur de tes nuits, l'eau qui chante la vie des jardins andalous et des rues de Cordoue. Tendre comme un fruit de soleil, jamais rien au monde ne sera plus pareil.